Salut, c'est Nicolas Riss. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. L'éveil des profondeurs. Là, derrière la surface agitée des hommes, où les rayons du soleil se transforment en colonnes d'or, une âme ancestrale émerge. Il s'agit de l'éveil des profondeurs. Chaque mouvement de sa queue, longue de plusieurs mètres, reflète le rythme silencieux de l'univers. Chaque oscillation de ses nageoires représente une danse ancestrale. Les bulles qui s'échappent de son évent portent les échos d'une sagesse perdue. La vaste mélodie de l'océan, un héritage d'une époque où elle tenait le pouvoir suprême. Sa peau éraflée témoigne du passage du temps, et ses yeux, aussi profonds que les abysses marines, captent la lueur sacrée d'un sanctuaire intact. Nous parlons ici de la baleine bleue, la Balaenoptera musculus, le plus grand animal ayant jamais existé sur notre planète. Un titan qui peut atteindre 30 mètres de long et peser 180 tonnes, l'équivalent de près de 30 éléphants. Ce mastodonte, autrefois souverain incontesté des mers, s'est transformé en un spectre oscillant dans son propre domaine. Il y a à peine un siècle, sa population comptait des centaines de milliers d'individus, régissant l'océan par sa seule présence. Pourtant, en un temps record, la chasse industrielle a réduit cette population de plus de 90%. Aujourd'hui, après des décennies de protection, il n'en reste qu'une fraction fragile, un symbole vivant et fondement de la biodiversité marine, toujours officiellement menacée d'extinction. Le plus tragique, c'est la perte de sa voix. Autrefois capable de parcourir des milliers de lieues avec son chant, il ne résonne désormais que dans un silence de plus en plus lourd. Imaginez un instant. Le chant d'une baleine bleue peut atteindre 188 décibels, plus fort qu'un moteur d'avion au décollage. Ce cri, émis à très basse fréquence, est le langage de l'océan. Il permet aux individus séparés par des continents de communiquer, de trouver un partenaire, de migrer. Mais ce titan, autrefois le plus bruyant de la planète, est aujourd'hui réduit au silence par nos propres activités. Les hélices des navires, les sonars militaires, le bruit incessant des forages pétroliers créent une cacophonie sous-marine qui masque la vaste mélodie de l'océan. La voix de cette baleine bleue ne porte plus. Ses appels crucieux pour sa survie sont étouffés, rendant la solitude de cette espèce insondable. Elle n'est plus qu'une mémoire fragile d'une population réduite à néant, pourchassée, capturée, étouffée par les mailles des filets fantômes ou victime de collisions avec nos gigantesques cargos. Sa vaste silhouette se déplace dans un océan devenu prison. L'émergence vers cette lumière, vers notre monde, ne se limite plus à une recherche superficielle, mais devient un cri de désespoir. La baleine bleue vous cherche du regard, non pas pour porter un jugement sur les erreurs du passé, mais pour supplier. Elle vous invite à explorer son monde, à percevoir l'urgence de sa vie, suspendue à un fil. Chaque faisceau de lumière qui l'entoure paraît délicat, tel un éclat d'espoir qui pourrait se consumer à tout jamais si nous détournons le regard. La science est là pour nous rappeler que nous avons un rôle actif à jouer. Réduire la vitesse des navires dans les zones de migration, travailler sur des technologies de propulsion plus silencieuses, cartographier et éviter les zones d'alimentation, ce sont des actions concrètes qui peuvent rétablir la communication vitale de ces géants. Le sort de ces mastodontes marins dépend de nous. Elle se dresse, à la fois majestueuse et fragile, ultime témoin d'une grandeur révolue, porteuse d'un futur indéterminé. Son réveil est le nôtre également. Un rappel frappant que le sort de cette espèce emblématique est le baromètre de la santé de tout l'océan. Le silence de celui-ci, dépourvu de son chant, constituerait la plus tragique des symphonies. Il serait le signe que nous avons laissé le plus grand de tous les êtres s'éteindre à cause de notre bruit, de notre indifférence ? Passerons-nous à l'action avant qu'il ne soit trop tard? Reviendrons-nous à la surface après avoir entendu son dernier cri? Le temps presse pour que l'écho de cette chasse perdue ne devienne pas un silence éternel. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. A-N-I-C-O-L-A-R-Y-S. Derrière la surface agitée des hommes, où les rayons du soleil se transforment en colonnes, une âme antique émerge calme et immense. C'est l'éveil des profondeurs. Sa présence. Chaque mouvement de sa queue, le rythme de l'univers. Chaque oscillation, une danse d'air en mer. Plus des vents, écho d'une sagesse perdue. La vaste mélodie de l'océan, un héritage perçu. Sa peau est raflée, témoin du temps qui passe. Ses yeux profonds, miroir d'un sanctuaire, d'un espace. Mais cet éveil est marqué d'une solitude insondable. Un souverain devenu spectre, un destin misérable. L'éveil des profondeurs, un cri silencieux, le géant des mers suspendu au milieu, une lueur fragile qui pourrait s'éteindre si nos regards se détournent, si on ne veut pas l'atteindre. La baleine bleue est menacée, c'est notre sort. Agirons-nous avant que le silence soit fort. Autrefois capable de parcourir des milliers de lieues avec sa voix puissante sous les cieux bleus, il ne résonne désormais que dans un silence lourd. Mémoire fragile d'une population réduite chaque jour, pourchassée, capturée, étouffée par les filets, réduite au silence par le bruit. L'océan est un secret. Sa vaste silhouette se déplace. Le monde est une prison. Ce symbole vivant se bat sans autre raison. Son regard vous cherche, non pas pour juger mais supplier. Elle vous invite à plonger l'urgence à son entier. Chaque faisceau de lumière paraît si délicat, tel un éclat d'espoir qui s'éteint pas après pas. L'éveil des profondeurs, un cri silencieux, le géant des mers suspendu au milieu, une lueur fragile qui pourrait s'éteindre. si fragile, ultime témoin d'une grandeur évolue, un avenir volatile, porteuse d'un futur indéterminé. C'est lent, son éveil et le nôtre également, notre dernière chance. Le sort de ces mastodontes marins dépend de nos mains. Le silence de l'océan, la plus tragique des symphonies sans fin. L'éveil des profondeurs, un cri silencieux. Le géant des mers suspendu au milieu. Une lueur fragile qui pourrait s'éteindre si nos regards se détournent, si on ne veut pas l'atteindre. La baleine bleue est menacée, c'est notre sort. Avant que son chant ne soit qu'un triste regard. Son silence serait notre faute, notre défaite. Écoutez l'éveil des profondeurs. Que l'espoir se reflète.